Lenga Rivera. Radio Dio 89.5 et radiodio.org. Midi est l'heure à laquelle le soleil est le plus haut dans le ciel. Quand il est midi quelque part, il est déjà l'après-midi ou le soir dans les pays plus à l'est, alors que dans ceux plus à l'ouest... C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio. Samedi 26 juillet, il est midi sur le 89.5 de Radio Duo, l'irréductible voie alternative à Saint-Étienne. C'est Roulette Russe jusqu'à 13h. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est à nouveau Sohan de l'émission Sa Jacasse qui est derrière la vitre à la technique. Thanks, guy. Roulette Russe, c'est l'émission musicale et mensuelle que vous retrouvez en direct le quatrième samedi de chaque mois sur le 89.5 de la bande FM à Saint-Étienne, en streaming sur radiodio.org ou encore en podcast sur l'audioblog Arte Radio. Alors si par hasard vous passez par là pour la première fois, qu'est-ce qu'on peut bien écouter dans Roulette Russe ? Du rock indé, de la pop mainstream, du post-punk, du shoegaze, mais également une mini-sélection d'artistes chantant en français pour la rubrique Qualité France. Le tout ponctué de quelques extraits sonores saugrenus. Un seul mot d'ordre, cultivons ensemble nos différences et nos coups de cœur. Voilà, vous savez tout, ou presque. Alors, Roulette Russe, épisode 11, c'est parti! Yeah. Toujours à l'écoute de Roulette Russe sur Radio Dio 89.5 et à l'instant pour démarrer l'émission, et ça tombe plutôt bien pour un samedi, When Saturday Comes, The Undertones en 1981 sur l'album Positive Touch. Le groupe est originaire de Derry ou Londonderry, c'est suivant. Les nationalistes privilégient le nom de Derry et les unionistes, c'est plutôt Londonderry. En tout cas, c'est la deuxième ville d'Irlande du Nord par sa population et elle est tragiquement connue pour l'épisode du Bloody Sunday, le dimanche sanglant. En effet, le 30 janvier 1972, une marche pacifique est organisée. Les participants réclament l'égalité des droits entre les catholiques et les protestants. Face à eux, l'armée britannique et les paramilitaires ont dressé des barricades pour dévier le trajet de la manifestation. Et quand les manifestants tentent de les franchir, les paramilitaires tirent à balles réelles. 13 personnes meurent sur le coup, une 14e quelques mois plus tard, la moitié étant des adolescents. Alors pour revenir à la musique des Undertones, si Teenage Quicks reste à ce jour leur single le plus populaire, d'autres chansons jouent la même carte gagnante de la mélodie pop sous énergie punk. Ces morceaux aux refrains obsédants sont légion, à commencer par Here Comes the Summer, Jimmy Jimmy, You've Got My Number, My Perfect Cousin, etc., etc. Que du lourd dans ces titres généralement écrits et composés pendant la première période par le guitariste rythmique John O'Neill, dont on va reparler par la suite. Et puis, comment ne pas évoquer le frontman historique du groupe ? Je veux bien sûr parler de Fergal Sharkey, chanteur hors pair, doté d'un timbre de voix immédiatement identifiable, teigneux et charismatique. C'est l'antithèse du brailleur punk en vogue à l'époque. En 1983, après 4 albums avec The Undertones, il quitte le groupe pour privilégier sa carrière solo. Le reste du groupe, formé entre autres des frères O'Neill, les voilà, se réinventera avec plus ou moins de bonheur en formant That Petrol Emotion, avant, comme tant d'autres, de se reformer, mais sans Fergal Sharkey. Alors revenons un instant sur That Petrol Emotion. Le groupe rompt immédiatement avec tous les liens musicaux avec les Undertones et adopte un son plus sombre, plus énervé et beaucoup plus politisé. Ils sortiront 5 albums studio, dont Babble en 1985, qui avec le single Big Decision fera une apparition remarquée dans les charts britanniques. Mais c'est un titre hors discographie des That Petrol Emotion, complètement raccord, que j'ai choisi de vous faire écouter pour poursuivre le programme du jour. Un titre qui me procure toujours une certaine émotion à chaque écoute. Il s'agit de The Stories of the Street, une chanson de Leonard Cohen sortie initialement en 1967 et reprise par That Petrol Emotion en 91 dans un somptueux hommage au légendaire chanteur canadien baptisé I'm Your Fan, produit par le magazine français Les Inrecuptibles. Le disque comporte 18 chansons de Cohen, interprétées par quelques-uns des noms les plus respectés de la musique de l'époque, parmi lesquels les Pixies, James, Jean-Louis Murat, R.E.M., The House of Love, John Cale ou encore Robert Foster, que l'on va écouter plus tard. Tout de suite, Stories of the Street, That Petrol Emotion, dans Roulette Russe sur Dio jusqu'à 13h. The stories of the street are mine, the Spanish voices laugh, the Cadillacs go creeping down through the night and the poison gas. I lean from my windowsill in this old hotel at Shoe. One hand on my suicide, one hand on the rose. I know you heard over now, and war must surely come. Cities, they are broken half, the middle men are gone. Let me

22h17 à l'écoute de Radio Dio à Saint-Étienne. Bonnes vacances si vous l'êtes et bon week-end pour ceux qui bossent encore. À l'instant, un de mes disques de chevet de l'année 1988, cet extrait de l'album 16 Lovers Lane, autrement dit 16 Allées des Amoureux, et il s'agit des Go-Betweens. Si certains disques usés en leur temps donnent encore une sève qui n'a pas seulement le goût de la nostalgie, celui-ci clôt la première vie des Go-Betweens et c'est leur plus beau. Dans cette période, ils sont restés des outsiders. Entre leur Australie d'origine et un Londres d'adoption, entre dissonance et harmonie, entre fierté marginale et aspiration secrète. Mais les Go-Betweens, c'est également l'histoire du tandem initial formé en 1977 à Brisbane par Robert Foster et Grant McLennan. Ni tout à fait Lennon et McCartney, ni vraiment Lou Reed et John Cale, ces deux songwriters vont former 10 années durant un duo complice et complémentaire. 16 Lovers Lane aurait pu être leur triomphe grâce à cette folk pop champêtre qui avait produit quelques-unes des chansons les plus touchantes de ce début des 80s. Et ce somptueux album auquel Robert Foster reprochait sa production trop léchée, n'aura finalement pas l'impact escompté. Cet échec évitera peut-être aussi que l'un prenne l'ascendant sur l'autre. Ils se retrouvèrent au début des années 2000 pour un nouveau chapitre, hélas interrompu par la disparition précoce de McLennan en mai 2006 à seulement 48 ans. Alors, après un titre à classer dans la catégorie Oldie, c'est pour la rime, Oldie du samedi, on va passer à une première nouveauté dans cette émission Roulette Russe avec Tell It Back To Me, qu'on croirait extrait du catalogue des Go-Betweens, une pop song parfaite avec cette harmonica à la Dylan. En vérité, on est vraiment très très proche des Go-Betweens, et c'est bien normal, puisqu'il s'agit d'une des chansons que l'on retrouve sur Strawberries, c'est le 9e album du gentleman de l'indie pop, j'ai nommé Robert Foster, le cofondateur des Go-Betweens, dont on a parlé précédemment, si vous avez bien suivi. Ça vient de sortir le 23 mai dernier, alors sans plus tarder, on l'écoute. Tell It Back To Me, Robert Foster, c'est dans Roulette Russe, sur Radio Bio. Some business I had to do, business of a strange kind. I taught English, you were French. We kissed on a bench. Your world so different to mine. Tell me what you see. Tell me what you see. Tell it back to me. Tell me what you see. I was corporate, you were folk, outdistanced. We thought a joke, one that got funnier over time. We thought of marriage, we thought of kids. We knew a marriage on the skids because of the kids. Tell me what you see. Tell me what you see. Tell it back to me. Tell me what you see. What do you see in the distance? What do you see through the wall? Fresh love is good love is new love. Ah, we see it all. We'll be right back. soon started an emptiness in her and me. The finer things weren't so fine. We met again through a friend who told us to start again, to try, try again. Tell me what you see. Tell me what you see. Tell it back to me. Tell me what you see. Tell me what you see. Tell me what you see. Tell it back. Tell it back to me. Qu'est-ce que t'en sais si t'es heureux? T'es amoureux? Elle est jolie? Elle a un beau cul? Vous écoutez toujours Roulette Russe et croyez-moi, c'est la meilleure des choses que vous ayez à faire. À l'instant, Love in a Car, The House of Love, sur leur premier album, en cette même année que le 16 Lovers Lane des Go-Betweens, précédemment écouté, c'est-à-dire en 1988. Malgré des critiques élogieuses et un top 10 dans les charts anglais, le succès de The House of Love fut relatif sur leur terre natale. En revanche, le groupe connut un certain écho en France, largement mis en avant par les Inrecuptibles et les Black Sessions de Bernard Lenoir. Beaucoup voyaient en eux le seul concurrent potentiel au raz-de-marée des Pixies aux États-Unis. Guy Chadwick, leader au visage émacié et à la voix profonde, demeure l'un des songwriters de cette période, et Terry Bikers, un vrai guitar hero à l'image de Johnny Marr chez les Smiths. Mais, comme la plupart des songwriters anglais, Chadwick, persuadé d'être un authentique génie, pour masquer des montagnes de doutes et quelques vilains démons, reliquat d'une enfance trimballée en Allemagne et à Singapour, et achevé dans quelque internat religieux de Grande-Bretagne, l'ayant traumatisé à vie. Le leader du groupe multiplie ainsi les mauvaises décisions en un temps record. Dragué par nombre de majors, il signe avec Fontana, filiale de Phonogram, avec qui les relations sont immédiatement catastrophiques, et ce, au pire moment, celui de l'enregistrement de l'album censé transformer l'essai. Les deux se déchirent sur le choix du réalisateur, et l'album, qui n'a pas non plus de titre mais se trouve surnommé Fontana, ou l'album Papillon, à cause de sa pochette à la mosaïque figurant un papillon, est entièrement réenregistré. Y figure notamment une nouvelle version de Chain On, et l'album se vendra néanmoins à 400 000 exemplaires. Entre-temps, rongé par les disputes qu'une consommation excessive de drogue ne contribue pas à apaiser, le groupe a largué en pleine tournée le guitariste Terry Bikers dans une station-service du Pays de Galles et n'est jamais revenu le chercher. Son remplaçant, Simon Walker, ne résiste guère plus longtemps. Il quitte The House of Love après la sortie du deuxième album. S'ensuit pour Chadwick une interminable dépression qui le mène à la fois à publier un album solo, Lazy, Soft and Slow, particulièrement apaisé, en 1998, et à se réconcilier avec Terry Bikers. Contre toute attente, les deux hommes reforment The House of Love en 2003 et publient Days Run Away en 2005, un disque plutôt salué par la critique, la nostalgie ayant parfois quelques largesses. Suivront She Paints the World in Red en 2013, enfin plus récemment A State of Grace en 2022, mais avec Chadwick seul aux commandes cette fois-ci. Suite à la parution de Burn Down the World, The Fontana Years 89-93, coffret de luxe 8 CD compilant 3 albums, singles, B-side et rareté chez Cherry Records, le groupe repart même en tournée en 2023. Alors, les avis sur les concerts de cette tournée sont assez mitigés. Personnellement, je trouve que la voix de Chadwick n'est pas toujours parfaitement en place, que la batterie cogne beaucoup trop dur pour ce style de musique et que la délicatesse des guitares n'est plus au rendez-vous. Mais ça, c'est mon avis perso, je vous laisse écouter par vous-même. Bref, je vais sans doute enfoncer une porte ouverte, mais comme beaucoup de groupes sur le retour, je pense qu'il était préférable de voir sur scène les House of Love à leur apogée. Voilà pour ce retour au premier plan assez récent du groupe, sans transition. Faisons l'effort, sinon elle est un petit peu moderne. et 36 minutes à l'écoute de Radio Dio à l'instant. Ça aurait pu être du Tom Tom Club, mais c'est Suppress Your Feelings, Mock and Toof, sur leur premier album intitulé Turning Echoes. Un titre qui pourrait faire une parfaite base à une playlist de voyages, vacances à la cool, vous ne trouvez pas ? Le mélange électropop de deux producteurs anglais, Duncan Stump, Mock, et Nick Wolfson, Toof, qui s'était d'abord fait remarquer par de très très bons remixes, parmi lesquels Hot Chip ou Holy Ghost, entre autres. En 2010, il passe le cap et publie Turning Echoes, citant Roxy Music et David Byrne, donc on y revient, Tom Tom Club, comme leurs principales influences. On va enchaîner avec un autre titre qui pourrait parfaitement lui aussi compléter votre playlist de vacances. Cet extrait de Sleepwalking, le troisième album du musicien et producteur néo-zélandais Jonathan Bree, ancien membre du duo The Burnettes, qui s'affirme comme un crooner pop et mystérieux. On l'écoute de suite. You're so cool, Jonathan Bree, dans Roulette Russe, sur la plus fraîche des radios. Body so fit, so full of spark. With affirmations as your wall art. You were driven, eyes on the prize. A yoga routine, home exercise. Thank you. Normalement, vous y avez droit à la qualité France. Ah oui? Ah, vous y avez droit, normalement. Vous pouvez demander à la préfecture et normalement, oui. vous avez l'estampille qualité France. Ah oui? Toujours à l'écoute de Radio Dio. À l'instant, dans Roulette Russe, le champion espagnol. Premier titre de la rubrique Qualité France, ne vous y trompez pas. Jean-Louis Murat sur son album de 2011 intitulé Grand Lièvre. Alors, pour être tout à fait transparent sur la programmation de cette émission, je voulais initialement faire référence à l'actualité juilletiste du Tour de France en programmant l'arrivée du Tour de Bachung. Mais quand j'ai réécouté ce morceau et le reste de Passer le Rio Grande, son album publié en 86, je me suis dit que malgré de très bons souvenirs et des textes plutôt bien troussés, ce disque se retrouve quand même rangé parmi les œuvres mineures de Bachung, et ça n'est pas lui faire offense. Il faut dire que l'ingénieur du son aux commandes à l'époque était un certain Nick Patrick, je ne sais pas s'il y a un jeu de mots là-dessous, qui a largement contribué à créer ce son français clinquant des années 80, dominé par des synthés japonais et des batteries Pearl Harbor, qui canardent sans distinction. J'ai donc préféré programmer le titre de Murat, rendant un hommage à Federico Bahamontes. Voilà, vous savez tout. Et puis, chose peut-être moins connue, le cyclisme était une des vraies passions de Jean-Louis Murat. Il disait vénérer Marco Pantani, un guitar hero fauché par une overdose en tournée. Plus tôt dans sa carrière, en 1991, il avait chanté le col de la Croix-Morant, une ascension franchie à plusieurs reprises par les coureurs du Tour. Et c'était d'ailleurs le cas ce lundi 14 juillet dernier, où l'étape du jour est arrivée au Mont d'Or. Les fans de Murat avaient quant à eux installé à 300 mètres à vol d'oiseau de sa maison une bâche géante avec une photo de leur idole, mort il y a maintenant un peu plus de 2 ans. On va poursuivre avec le deuxième titre de cette capsule Qualité France, et c'est une nouveauté. Le groupe Feu Chatterton a annoncé que son 4e album studio, baptisé Labyrinthe, serait disponible le 12 septembre prochain. En attendant, le premier single de l'album Allons voir est déjà disponible depuis quelques semaines et il annonce l'esprit joyeux et plein d'espoir de l'album à venir. On l'écoute tout de suite dans Roulette Russe. Je dirai après. Il n'est pas partout la même heure. Il y a peut-être une chance que l'herbe soit plus verte ailleurs. Souvent tu attends la nuit quand plus rien ne fait mal et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre, comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Tu meurs d'envie d'aller voir par toi-même faire tes preuves. Et si c'était la mer à boire, eh bien que la mer t'abreuve. Le ciel sera toujours bas à ceux qui vivent sans courage. Tu ne les écoutes pas quand ils disent ce n'est pas de ton âge. Et tu vas vers ce pays, vers cette vie qui enivre, comme celle que tu lis le soir dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. moi la main. Allons voir, donc disponible 12 septembre sur le nouvel album de Feu Chatterton qui s'appelle Labyrinthe. Alors à noter que le groupe était sur scène récemment aux Nuits de Fourvière le 9 juillet dernier et spécial dédicace à Candice, vous pourrez encore les voir si vous êtes en vacances en Bretagne prochainement le vendredi 1er août à Crozon au Festival du Bout du Monde. Là, tu crois que c'est fini, mais pas du tout. Notre homme ressurgit. Ça repart pour un tour. I'm looking for something. For something I can get. For something I can't reach. I've heard of the promised land. I don't know. To get there, I don't even know if it's real. À l'instant, une nouveauté dans Roulette Russe, la pop solaire de Sheraf sur Highs and Lows, son quatrième album depuis 2004, un EP de 20 titres sorti le 6 juillet dernier, autoproduit et financé grâce à Ulule, la plateforme de financement participatif. Le Havrais Raphaël Campana, tête pensante du groupe, produit une électro subtile et mélancolique qu'il chante d'une voix douce. La moitié des morceaux, dit-il, évoquent des choses positives, entre autres l'amour, la joie, la paternité, et l'autre moitié des choses plus difficiles, la solitude, la peur de l'avenir et des sentiments et des émotions qui peuvent engendrer une rupture. C'est ce qui a valu ce titre « Highs and Lows ». On va rester dans la délicatesse avec une autre nouveauté pour s'approcher de la fin de Roulette Russe, épisode 11, avec la musicienne irlandaise Maria Somerville, originaire du Connemara. 6 ans après son premier album « All My People », là aussi auto-édité, celle qui est aussi connue pour son émission radiophonique Early Birds Show, signée chez 4AD, pour un deuxième disque baptisé Luster, l'éclat en français. On retrouve ce son shoegaze très saturé, avec beaucoup d'écho et d'effets sur les guitares. On en écoute tout de suite un court extrait intitulé « Corrib ». On va déborder aujourd'hui, mais on va bientôt boucler Roulette Russe. Mais avant, je tenais, pour rester dans les ambiances éthérées, revenir un instant sur un groupe post-punk parmi les plus éphémères et improbables du tout début des années 80. Je veux parler de la coqueluche de la critique musicale underground de l'époque, les Young Marble Giants. Un trio gallois fondé en 1978, composé au chant d'Alison Staton et des frères Moxham, Philippe à la basse et Stuart à la guitare et à l'orgue. Colossal Youth, leur unique album publié en 1980, serait un vrai succès critique et commercial, un chef-d'œuvre minimaliste devenant la seconde meilleure vente du label emblématique Rose Trade. L'année suivante sortira l'EP Test Card, avant que le groupe ne se sépare dans la foulée. On avait planifié l'avenir, raconte Stuart Moxham, mais on ne vous dit pas qu'être dans un groupe, c'est comme être marié, mais avec beaucoup plus de monde. On était très jeunes et on n'arrivait pas vraiment à parler de choses importantes. Et puis, Alison est tombée gravement malade. En 2000, le label Domino publiera une compile baptisée Salad Days et en 2004, un live at the Eura. En dépit de sa brève existence, de sa discographie sommaire et d'une approche musicale singulière, Young Marble Giant aura exercé une large influence sur des artistes aussi divers que Kurt Cobain, Peter Buck du R.E.M., Courtney Love, The XX ou Stereolab, plusieurs d'entre eux citant ce groupe comme une influence majeure. On écoute tout de suite Chucky Lucky et la guitare Twingy à la Shadows de Stuart Moxham. Les Young Marble Giants, c'est pour terminer Roulette Russe. Épisode 11, c'est fini pour aujourd'hui. 13h06, on a largement dépassé. Heureusement, il n'y a personne derrière. Et puis, j'ai des choses intéressantes à vous raconter tout de même. On se quitte sur un instrumental de ces mêmes Young Marble Giant. J'espère en tout cas que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette heure de musique, pas comme les autres, que Sohan et moi en avons pris à préparer et animer cette émission. Un grand merci à Radio Dio pour cette irréductible volonté de rester libre, sauvage et impertinent. Un grand merci à Sohan à la technique aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez le retrouver un samedi sur deux de 10h à 11h sur cette même antenne dans l'émission Sajakas. Enfin, un grand merci à vous, chers auditeuristes, qui avez suivi ou allez écouter plus tard ce programme très modeste, mais néanmoins génial. N'oubliez pas que cet été, vous pouvez retrouver Roulette Russe en podcast. Vous tapez simplement Roulette Russe, audioblog Arte Radio. Nous, on se fait une petite pause estivale et on sera de retour sur les ondes en septembre. Ça se passera comme d'habitude le 4e samedi du mois et plus précisément le samedi 27 septembre de 12h à 13h. D'ici là, passez un très bel été, prenez soin de vous et surtout ne lâchez rien. Caresses et bis à l'œil. Rendez-vous à demain matin pour notre prochaine émission. Reprenez l'écoute à 11h. Radio Dio, 89.5 FM.